Voilà, Disaster, Churches Without Thent, déjà dispo chez Metal Blade, et on s'écoute sur le titre Exile is Imminent. C'est parti. Yeah. Ouais.